Depuis que Dieu a commencé sa gestion, il reste dévoué à son œuvre, toujours aux côtés des hommes, quoique cachés, les guidant par son essence. Dieu travaille en tous par sa puissance, sa sagesse, son autorité, montrant son tempérament, amenant les airs de la loi, de la grâce, du règne. Sa personne soit cachée, son tempérament, sa volonté, ce qu'il a est son révélé, pour que l'homme les voit et ressente l'essence, le tempérament de Dieu sont son expression. Qu'importe comme il œuvre, Dieu traite l'homme selon son identité, disant ce qu'il est censé dire, faisant ce qu'il est censé faire. Cependant, il part ni tromperie. Quand Dieu travaille, il exprime ses paroles, son tempérament et qui il est. Il le fait sans aucune réserve. Caché son tempérament, sa volonté, ce qu'il a est son révélé, pour que l'homme les voit et ressente l'essence, le tempérament de Dieu sont son expression, l'essence, le tempérament de Dieu sont son expression, l'essence, le tempérament. L'essence, le tempérament de Dieu sont son expression.